Section 19 De Mémoire d'Outre-Tombe, volume 4, par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lui par Christiane Jehanne. Quatrième partie, livre 8e. Journal de Padoue à Prague, du 20 au 26 septembre 1833. Conegliano, traduction du dernier avant-serrage. Udine, la comtesse de Samoïlov, Monsieur de la Ferronnais, un prêtre, la Carinthie, la Drave, un petit paysan, Forge, déjeuner au hameau de Saint-Michel, col du Tauern, cimetière, Atala, combien changé, lever du soleil, Salzbourg, revue militaire, bonheur des paysans, Vocnabruck, Plancoët et ma grand-mère. Nuit. Ville d'Allemagne et ville d'Italie. Linz. Le Danube. Waldmünchen. Bois. Combourg. Lucille. Voyageur. Prague. Madame de Gontaut. Jeune Français. Madame la Dauphine. Course à Butschirad. Butschirad. Sommeil de Charles X. Henri V. Réception des jeunes gens, l'échelle et la paysanne, dîner à Butschirad, Madame de Narbonne, Henri V, partie de Whist, Charles X, mon incrédulité sur la déclaration de majorité, lecture des journaux, scène des jeunes gens, à Prague, je pars pour la France, passage de Butschirad, la nuit, rencontre à Schlau, Karlsbad, vide. Holfeld, Bamberg, le bibliothécaire et la jeune femme, mais Saint-François diverses, épreuve de religion, la France. Je me désolais en passant à Mestre, vers la fin de la nuit, de ne pouvoir aller au rivage. Peut-être un phare lointain des dernières lagunes m'aurait indiqué la plus belle des îles du monde ancien, comme une petite lumière découvrit à Christophe Colomb la première île du Nouveau Monde. C'était à Mestre que j'étais débarqué de Venise lors de mon premier voyage en 1806. Fugit hoetas. Je déjeunais à Conegliano, j'y fus complimenté par les amis d'une dame, traducteur de l'avant-serrage et sans doute ressemblant à Blanca. Il vit sortir une jeune femme, vêtue à peu près comme ces reines gothiques, sculptées sur les monuments de nos anciennes abbayes. Une mantille noire était jetée sur sa tête. Elle tenait avec sa main gauche cette mantille croisée et fermée comme une guimpe au-dessous de son menton, de sorte que l'on apercevait de tout son visage que ses grands yeux et sa bouche de rose. Je paye ma dette au traducteur de mes rêveries espagnoles en reproduisant ici son portrait. Quand je remontai en voiture, un prêtre me harangua sur le génie du christianisme. Je traversai le théâtre des victoires qui menèrent Bonaparte à l'invasion de nos libertés. Udine est une belle ville. J'y remarquai un portique imité du palais des Doges. Je dînai à l'auberge, dans l'appartement que venait d'occuper Madame la comtesse de Samoïlov. Il était encore tout rempli de ses dérangements. Cette nièce de la princesse Bagration, autre injure des ans, est-elle encore aussi jolie qu'elle l'était à Rome en 1829 lorsqu'elle chantait si extraordinairement à mes concerts? Quelle brise roulait de nouveau cette fleur sous mes pas? Quel souffle poussait ce nuage? Fille du Nord, tu jouis de la vie. Hâte-toi. Des harmonies qui te charmaient ont déjà cessé. Tes jours n'ont pas la durée du jour polaire. Sur le livre de l'hôtel était écrit le nom de mon noble ami, le comte de la Ferronnais, retournant de Prague à Naples, de même que j'allais de Padoue à Prague. Le comte de la Ferronnais, mon compatriote à double titre, puisqu'il est breton et malouin, a entremêlé ses destinées politiques aux miennes. Il était ambassadeur à Pétersbourg quand j'étais à Paris ministre des Affaires étrangères. Il occupa cette dernière place et je devins à mon tour ambassadeur sous sa direction. Envoyé à Rome, je donnais ma démission à l'avènement du ministère Polignac et la Ferronnais hérita de mon ambassade. Beau-frère de M. de Blacas, il est aussi pauvre que celui-ci est riche. Il a quitté la pairie et la carrière diplomatique lors de la Révolution de juillet. Tout le monde l'estime, et personne ne le hait, parce que son caractère est pur et son esprit tempérant. Dans sa dernière négociation à Prague, il s'est laissé surprendre par Charles X, qui marche vers ses derniers lustres. Les vieilles gens se plaisent aux cachotteries, n'ayant rien à montrer qui vaille. En exceptant mon vieux roi, je voudrais qu'on noyât quiconque n'est plus jeune, moi tout le premier, avec 12 de mes amis. À Udine, je pris la route de Villach. Je me rendais en Bohême par Salzbourg et Linz. Avant d'attaquer les Alpes, j'ouïs le branle des cloches et j'aperçus dans la plaine un campanile illuminé. Je fis interroger le postillon à l'aide d'un Allemand de Strasbourg, cicérone italien à Venise, qu'Hyacinthe m'avait amené pour interprète slave à Prague. La réjouissance dont je m'enquérais avait lieu à l'occasion d'un prêtre nouvellement promu aux ordres sacrés. Il devait dire le lendemain sa première messe. Combien de fois ces cloches, qui proclament aujourd'hui l'union indissoluble d'un homme avec Dieu, appelleront-elles cet homme au sanctuaire ? Et à quelle heure ces mêmes cloches sonneront-elles sur son cercueil ? 22 septembre. Je dormis presque toute la nuit, au bruit des torrents, et je me réveillai au jour le 22 parmi les montagnes. Les vallées de la Carinthie sont agréables, mais n'ont rien de caractéristique. Point de costume parmi les paysans, quelques femmes portent des fourrures comme les Hongroises, d'autres ont la tête couverte de coiffes blanches mises en arrière ou de bonnets de laine bleue renflés en bourrelets sur le bord, tenant le milieu entre le turban de l'osmanli et la calotte à boutons du talapoin. Je changeai de chevaux à Villach. En sortant de cette station, je suivis une large vallée au bord de la Drave, nouvelle connaissance pour moi. À force de passer les rivières, je trouverai enfin mon dernier rivage. Lander vient de découvrir l'embouchure du Niger. Le hardi voyageur a rendu ses jours à l'éternité au moment où il nous apprenait que le fleuve mystérieux de l'Afrique verse ses ondes à l'océan. À l'entrée de la nuit, nous faillîmes d'être arrêtés au village de Saint-Paternion. Il s'agissait de graisser la voiture. Un paysan vissa l'écrou d'une des roues à contresens avec tant de force qu'il était impossible de l'ôter. Tous les habiles du village, le maréchal Ferrand à leur tête, échouèrent dans leur tentative. Un garçon de 14 à 15 ans quitte la troupe, revient avec une paire de tenailles, écarte les travailleurs, entoure l'écrou d'un fil d'archal, le tortille avec ses pinces et, pesant de la main dans le sens de la vis, enlève l'écrou sans le moindre effort. Ce fut un vivat universel. Cet enfant ne serait-il point quelque Archimède ? La reine d'une tribu d'Esquimaux, cette femme qui traçait au capitaine Perry une carte des mers polaires, regardait attentivement des matelots soudant à la forge des bouts de fer et devançait par son génie toute sa race. Dans la nuit du 22 au 23, je traversai une masse épaisse de montagnes. Elles continuèrent leur brouiller devant moi jusqu'à Salzbourg, et pourtant ces remparts n'ont pas défendu l'Empire romain. L'auteur des essais, parlant du Tyrol, dit, avec sa vivacité ordinaire d'imagination, « C'est toi comme une robe que nous ne voyons que plissée, mais qui, si elle est toi et spendue, sera un fort grand pays. » Les monts où je tournoyais ressemblaient à un éboulement des chaînes supérieures, lequel, en couvrant un vaste terrain, aurait formé de petites Alpes, offrant les divers accidents des grandes. Des cascades descendaient de tous côtés, bondissaient sur des lits de pierre comme les gaves des Pyrénées. Le chemin passait dans des gorges à peine ouvertes à la voie de la calèche. Aux environs de Gemund, des forges hydrauliques mêlaient le retentissement de leurs pylons à celui des écluses de chasse. De leurs cheminées s'échappaient des colonnes d'étincelles parmi la nuit et les noires forêts de sapins. À chaque coup de soufflet sur l'âtre, les toits à jour de la fabrique s'illuminaient soudain comme la coupole de Saint-Pierre de Rome un jour de fête. Dans la chaîne du Carche, on ajouta 3 paires de bœufs à nos chevaux. Notre long attelage sur les eaux torrentueuses et les ravines inondées avait l'air d'un pont vivant. La chaîne opposée du Tauern était drapée de neige. Le 23 à 9 heures du matin, je m'arrêtai au joli hameau de Saint-Michel, au fond d'une vallée. De belles grandes filles autrichiennes me servirent un déjeuner bien propre dans une petite chambre dont les deux fenêtres regardaient des prairies et l'église du village. Le cimetière entourant l'église n'était séparé de moi que par une cour rustique. Des croix de bois, inscrites dans un demi-cercle et auxquelles appendaient des bénitiers, s'élevaient sur la pelouse des vieilles tombes. Cinq sépulcres encore sans gazon annonçaient cinq nouveaux repos. Quelques-unes des fosses, comme des plates-bandes de potager, étaient ornées de soucis en pleine fleur dorée. Des bergeronnettes couraient après des sauterelles dans ce jardin des morts. Une très vieille femme boiteuse, appuyée sur une béquille, traversait le cimetière et rapportait une croix abattue. Peut-être la loi lui permettait-elle de butiner cette croix pour sa tombe. Le bois mort dans les forêts appartient à celui qui l'a ramassé. Là dorment, ignorés, des poètes sans gloire, des orateurs sans voix, des héros sans victoire. L'enfant de Prague ne dormirait-il pas mieux ici, sans couronne, que dans la chambre du Louvre, où le corps de son père fut exposé ? Mon déjeuner solitaire en société des voyageurs repus, couché sous ma fenêtre, aurait été, selon mes goûts, si une mort trop récente ne m'eût affligé. J'avais entendu crier la geline servie à mon festin. Pauvre poussin, il était si heureux 5 minutes avant mon arrivée. Il se promenait parmi les herbes, les légumes et les fleurs. Il courait au milieu des troupeaux de chèvres descendus de la montagne. Ce soir, il se serait couché avec le soleil. Il était encore assez petit pour dormir sous l'aile de sa mère. La calèche attelée, j'y suis remontée entourée des femmes et les garçons de l'auberge m'ont accompagnée. Ils avaient l'air heureux de m'avoir vue, quoiqu'ils ne me connussent pas et qu'ils ne dussent jamais me revoir. Ils me donnaient tant de bénédictions. Je ne me lasse pas de cette cordialité allemande. Vous ne rencontrez pas un paysan qui ne vous ôte son chapeau et ne vous souhaite sans bonne chose. En France, on ne salue que la mort. L'insolence est réputée la liberté et l'égalité. Nulle sympathie d'homme à homme. Envier quiconque voyage un peu comme dément, se tenir sur la hanche prêt à holinder contre tout porteur d'une redingote neuve ou d'une chemise blanche, voilà le signe caractéristique de l'indépendance nationale. Bien entendu que nous passons nos jours dans les antichambres à essuyer les rebuffades d'un manant parvenu. Cela ne nous ôte pas la haute intelligence et ne nous empêche pas de triompher les armes à la main. Mais on ne fait pas des mœurs a priori. Nous avons été 8 siècles une grande nation militaire. 50 ans n'ont pu nous changer. Nous n'avons pu prendre l'amour véritable de la liberté. Aussitôt que nous avons un moment de repos sous un gouvernement transitoire, la vieille monarchie repousse sur ses souches. Le vieux génie français reparaît. Nous sommes courtisans et soldats. Rien de plus. 23 et 24 septembre 1833. Le dernier rang de montagnes enclavant la province de Salzbourg domine la région arable. Le Tauern a des glaciers. Son plateau ressemble à tous les plateaux des Alpes, mais plus particulièrement à celui du Saint-Gothard. Sur ce plateau, encroûté d'une mousse roussâtre et gelée, s'élève un calvaire. Consolation toujours prête, éternel refuge des infortunés, autour de ce calvaire sont enterrées les victimes qui périssent au milieu des neiges. Quelles étaient les espérances des voyageurs passant comme moi dans ce lieu, quand la tourmente les surprit ? Qui sont-ils ? Qui les a pleurés ? Comment reposent-ils là, si loin de leurs parents, de leur pays, entendant chaque hiver le mugissement des tempêtes, dont le souffle les enleva de la terre ? Mais ils dorment au pied de la croix. Le Christ, leur compagnon solitaire, leur unique ami, attaché au bois sacré, se penche vers eux, se couvre des mêmes frimas qui blanchissent leur tombe. Au séjour céleste, il les présentera à son père et les réchauffera dans son sein. La descente du Tauern est longue, mauvaise et périlleuse. J'en étais charmé. Elle rappelle, tantôt par ses cascades et ses ponts de bois, tantôt par le rétrécit de son chasme, la vallée du pont d'Espagne, à Cotteret, ou le versant du Simplon sur Domo d'Ossola. Mais elle ne mène point à Grenade ou à Naples. On ne trouve point au bas des lacs brillants et des orangers. Il est inutile de se donner tant de peine pour arriver à des champs de pommes de terre. Au relais, à moitié de la descente, je me trouvais en famille dans la chambre de l'auberge. Les aventures d'Atala en 6 gravures tapissaient le mur. Ma fille ne se doutait pas que je passerais par là, et que je n'avais pas espéré rencontrer un objet si cher au bord d'un torrent nommé, je crois, le Dragon. Elle était bien laide, bien vieillie, bien changée, la pauvre Atala. Sur sa tête de grandes plumes et autour de ses reins, un jupon écourté et collant, à l'instar de mesdames les sauvagesses du théâtre de la Gaîté. La vanité fait argent de tout. Je me rengorgeais devant mes œuvres, au fond de la Carinthie, comme le cardinal Mazarin devant les tableaux de sa galerie. J'avais envie de dire à mon hôte, « C'est moi qui ai fait cela. » Il fallut me séparer de ma première née, moins difficilement toutefois que dans l'île de l'Ohio. Jusqu'à Verfaine, rien n'attira mon attention, si ce n'est la manière dont on fait sécher les regains. On fiche en terre des perches de 15 à 20 pieds de haut. On roule, sans trop le serrer, le foin écru autour de ces perches. Il y sèche, en noircissant. À une certaine distance, ces colonnes ont tout à fait l'air de cyprès ou de trophées plantés en mémoire des fleurs fauchées dans ces vallons. 24 septembre, mardi. L'Allemagne s'est voulu venger de ma mauvaise humeur contre elle. Dans la plaine de Salzbourg, le 24 au matin, le soleil parut à l'est des montagnes que je laissais derrière moi. Quelques pitons de rochers à l'occident s'illuminaient de ces premiers feux extrêmement doux. L'ombre flottait encore sur la plaine, moitié verte, moitié labourée, et d'où s'élevait une fumée, comme la vapeur des sueurs de l'homme. Le château de Salzbourg, accroissant le sommet du monticule qui domine la ville, incrustait dans le ciel bleu son relief blanc. Avec l'ascension du soleil, émergeaient du sein de la fraîche exhalaison de la rosée les avenues, les bouquets de bois, les maisons de briques rouges, les chaumières crépies d'une chaux éclatante, les tours du Moyen-Âge balafrées et percées, vieux champions du temps, blessés à la tête et à la poitrine, restés seuls debout sur le champ de bataille des siècles. La lumière automnale de cette scène avait la couleur violette des veilleuses qui s'épanouissent dans cette saison et dont les prés le long de la Salz étaient semés. Des bandes de corbeaux quittant les lierres et les trous des ruines descendaient sur les guérets. Leurs ailes moirées se glaçaient de rose au reflet du matin. Fête était de Saint Rupert, patron de Salzbourg. Les paysannes allaient au marché, parées à la façon de leur village. Leurs chevelures blondes et leurs fronts de neige se renfermaient sous des espèces de casques d'or, ce qui seyait bien à des germaines. Lorsque j'eus traversé la ville, propre et belle, j'aperçus dans une prairie 2 ou 3 000 hommes d'infanterie. Un général accompagné de son état-major les passait en revue. Ses lignes blanches sillonnant un gazon vert, les éclairs des armes au jour levant, étaient une pompe digne de ces peuples peints ou plutôt chantés par Tacite. Mars le Teuton offrait un sacrifice à l'aurore. Que faisaient dans ce moment mes gondoliers à Venise? Ils se réjouissaient comme des hirondelles après la nuit à l'aube renaissante et se préparaient à raser la surface de l'eau. Ensuite viendront les joies de la nuit, les barcaroles et les amours. À chaque peuple son lot, aux uns la force, aux autres les plaisirs, les Alpes font le partage. Depuis Salzbourg jusqu'à Linz, campagne plantureuse, l'horizon à droite dentelé de montagnes. Des futaies de pins et de hêtres, oasis agrestes et pareilles, s'entourent d'une culture savante et variée. Des troupeaux de diverses sortes, des hameaux, des églises, des oratoires, des croix, meublent et animent le paysage. Après avoir dépassé le rayon de la fête de Saint-Rupert, les fêtes chez les hommes durent peu et ne vont pas loin, nous trouvâmes tout le monde aux champs occupés des semailles d'automne et de la récolte des pommes de terre. Ces populations rustiques étaient mieux vêtues, plus polies et paraissaient plus heureuses que les nôtres. Ne troublons point l'ordre, la paix, les vertus naïves dont elles jouissent, sous prétexte de leur substituer des biens politiques qui ne sont ni conçus ni sentis de la même manière par tous. L'humanité entière comprend la joie du foyer, les affections de famille, l'abondance de la vie, la simplicité du cœur et la religion. Le français, si amoureux des femmes, se passe très bien d'elles dans une multitude de soins et de travaux. L'allemand ne peut vivre sans sa compagne. Il l'emploie et l'emmène partout avec lui, à la guerre comme au labour, au festin comme au deuil. En Allemagne, les bêtes mêmes ont du caractère tempéré de leur raisonnable maître, Quand on voyage, la physionomie des animaux est intéressante à observer. On peut préjuger les mœurs et les passions des habitants d'une contrée à la douceur ou à la méchanceté, à l'allure apprivoisée ou farouche, à l'air de gaieté ou de tristesse de cette partie animée de la création que Dieu a soumise à notre empire. Un accident arrivé à la calèche me força de m'arrêter à Vocnabrück. En rôdant dans l'auberge, une porte de derrière me donna l'entrée d'un canal. Par-delà s'étendaient des prairies que rayaient des pièces de toile crues. Une rivière, infléchie sous des collines boisées, servait de ceinture à ces prairies. Je ne sais quoi me rappela le village de Planquette, où le bonheur s'était offert à moi dans mon enfance. Ombre de mes vieux parents, je ne vous attendais pas sur ces bords. Vous vous rapprochez de moi, parce que je m'approche de la tombe, votre asile. Nous allons nous y retrouver. Ma bonne tante, chantez-vous encore aux rives du Lété votre chanson de l'épervier et de la fauvette? Avez-vous rencontré chez les morts le volage trémigon, comme Didon aperçu aîné dans la région des Mannes? Quand je partis de Vocnabrück, le jour finissait. Le soleil me remit entre les mains de sa sœur, double lumière d'une teinte et d'une fluidité indéfinissables. Bientôt la lune régna seule. Elle avait envie de renouer notre entretien des forêts de Haselbach. Mais je n'étais pas en train d'elle. Je lui préférais Vénus, qui se leva à 2 heures du matin le 25. Elle était belle, comme parmi ces aurores où je la contemplais en l'implorant sur les mers de la Grèce. Laissant à droite et à gauche force mystère de bosquets, de ruisseaux, de vallées, je traversai Lambach, Vels et Neuban, petite ville toute neuve, avec des maisons sans toit à l'italienne. Dans l'une de ces maisons, on faisait de la musique. De jeunes femmes étaient aux fenêtres. Du temps des Maroboduus, cela ne se passait pas ainsi. Aux villes d'Allemagne, les rues sont larges, alignées, comme les tentes d'un camp ou les files d'un bataillon. Les marchés sont vastes, les places d'armes spacieuses. On a besoin de soleil et tout se passe en public. Dans les villes d'Italie, les rues sont étroites et tortueuses, les marchés petits, les places d'armes resserrées. On a besoin d'ombre et tout se passe en secret. À Linz, mon passeport fut visé sans difficulté. 24 et 25 septembre 1833. Je passais le Danube à 3 heures du matin. Je lui avais dit en été ce que je ne trouvais plus à lui dire en automne. Il n'en était plus aux mêmes ondes, ni moi aux mêmes heures. Je laissais loin sur ma gauche mon bon village de Wallmünchen avec ses troupeaux de porcs, le berger Eumé et la paysanne qui me regardait par-dessus l'épaule de son père. La fosse du mort dans le cimetière aura été comblée, le décédé est mangé par quelques milliers de vers pour avoir eu l'honneur d'être homme. Monsieur et Madame de Beaufremont, arrivés à Linz, me devançaient de quelques heures. Ils étaient eux-mêmes précédés de quelques royalistes. Porteurs de messages de paix, ils croyaient Madame cheminant tranquillement derrière eux, et moi je les suivais tous comme la discorde avec des nouvelles de guerre. La princesse de Beaufremont, née Montmorency, allait à Butscherad, complimentée des rois de France, née Bourbon. Rien de plus naturel. Le 25, à la nuit tombante, j'entrai dans des bois. Des corneilles criaient en l'air, leurs épaisses volées tournoyaient au-dessus des arbres dont elles se préparaient à couronner la cime. Voilà que je retournais à ma première jeunesse. Je revis les corneilles du mail de Combourg. Je crus reprendre ma vie de famille dans le vieux château. Ô souvenir, vous traversez le cœur comme un glaive. Ô ma Lucile, bien des années nous ont séparés. Maintenant la foule de mes jours a passé et, en se dissipant, me laisse mieux voir ton image. J'étais de nuit à Tabor. Sa place environnée d'arcades me parut immense, mais le clair de lune est menteur. Le 26 au matin, une brume nous couvrit de sa solitude sans limite. Vers les 10 heures, il me sembla que je passais entre 2 lacs. Je n'étais plus qu'à quelques lieues de Prague. La brouée se leva. Les approches par la route de Linz sont plus vivantes que par le chemin de Ratisbonne. Le paysage est moins plat. On aperçoit des villages, des châteaux, avec des futaies et des étangs. Je rencontrai une femme à figure pieuse et résignée, accablée sous le poids d'une énorme hotte. Deux vieilles marchandes étalent quelques pommes au bord d'un fossé. une jeune fille et un jeune homme assis sur la pelouse, le jeune homme fumant, la jeune fille gaie, le jour auprès de son ami, la nuit dans ses bras, des enfants à la porte d'une chaumière jouant avec des chats ou conduisant des oies aux pâtisses, des dindons en cage se rendant à Prague, comme moi, pour la majorité de Henri V, puis un berger sonnant de sa trompe, tandis que Hyacinthe, Baptiste, le cicérone de Venise et mon excellence, nous cahotions dans notre calèche rapiécetée. Voilà les destinées de la vie. Je ne donnerai pas un patard de la meilleure. La bohème ne m'offrait plus rien de nouveau, mes idées étaient fixées sur Prague. Prague, 29 septembre 1833. Le surlendemain de mon arrivée à Prague, j'envoyai Hyacinthe porter une lettre à Madame la Duchesse de Berry que, selon mes calculs, il devait rencontrer à Trieste. Cette lettre disait à la princesse que j'avais trouvé la famille royale partant pour Léoben, que de jeunes Français étaient arrivés pour l'époque de la majorité de Henri et que le roi leur échappait, que j'avais vu Madame la Dauphine, qu'elle m'avait invité à me rendre immédiatement à Butscherad, où Charles X se trouvait encore, que je n'avais point vu Mademoiselle, parce qu'elle était un peu souffrante, qu'on m'avait fait entrer dans sa chambre, dont les volets étaient fermés, qu'elle m'avait tendu dans l'ombre sa main brûlante en me priant de les sauver tous, que je m'étais rendu à Butscherad, que j'avais vu M. de Blacas et causé avec lui sur la déclaration de la majorité de Henri V, qu'introduit dans la chambre du roi, je l'avais trouvé endormi et que, lui ayant ensuite présenté la lettre de Madame la Duchesse de Berry, il m'avait paru fort animé contre mon auguste cliente, que du reste, le petit acte rédigé par moi sur la majorité avait paru lui plaire. La lettre se terminait par ce paragraphe « Maintenant, Madame, je ne dois pas vous cacher qu'il y a beaucoup de mal ici. Nos ennemis pourraient rire s'ils nous voyaient nous disputer une royauté sans royaume, un sceptre qui n'est que le bâton sur lequel nous appuyons nos pas dans le pèlerinage peut-être long de notre exil. Tous les inconvénients sont dans l'éducation de votre fils, et je ne vois aucune chance pour qu'elle soit changée. Je retourne au milieu des pauvres que Madame de Chateaubriand nourrit. Là, je serai toujours à vos ordres. Si jamais vous deveniez maîtresse absolue de Henri, si vous persistiez à croire que ce dépôt précieux puisse être remis entre mes mains, je serais aussi heureux qu'honoré de lui consacrer le reste de ma vie, mais je ne pourrais me charger d'une aussi effrayante responsabilité qu'à la condition d'être, sous vos conseils, entièrement libre dans mes choix et dans mes idées, et placé sur un sol indépendant, hors du cercle des monarchies absolues. Dans la lettre était renfermée cette copie de mon projet de la déclaration de la majorité. Nous, Henri V du nom, arrivés à l'âge où les lois du royaume fixent la majorité de l'héritier du trône, voulons que le premier acte de cette majorité soit une protestation solennelle contre l'usurpation de Louis-Philippe, duc d'Orléans. En conséquence et de l'avis de notre conseil, nous avons fait le présent acte pour le maintien de nos droits et de ceux des Français. Donné le 30e jour de septembre de l'an de grâce 1833. Prague, 30 septembre 1833. Ma lettre à Madame la Duchesse de Berry indiquait les faits généraux, mais elle n'entrait pas dans les détails. Quand je vis Madame de Gontaut au milieu des mâles à moitié faites et des vaches ouvertes, elle se jeta à mon cou et en sanglotant « Sauvez-moi, sauvez-nous » disait-elle. « Et de quoi vous sauver, madame? J'arrive, je ne sais rien de rien. » Altschrin était désert. On eût dit des journées de juillet et de l'abandon des Tuileries, comme si les révolutions s'attachaient aux pas de la race proscrite. Des jeunes gens viennent féliciter Henri sur le jour de sa majorité. Plusieurs sont sous le coup d'un arrêt de mort. Quelques-uns blessés dans la Vendée, presque tous pauvres, ont été obligés de se cotiser pour être à même de porter jusqu'à Prague l'expression de leur fidélité. Aussitôt un ordre leur ferme les frontières de la Bohême. Ceux qui parviennent à Butscherad ne sont reçus qu'après les plus grands efforts. L'étiquette leur barre le passage, comme messieurs les gentilshommes de la Chambre défendaient à Saint-Cloud la porte du cabinet de Charles X, tandis que la Révolution entrait par les fenêtres. On déclare à ces jeunes gens que le roi s'en va, qu'il ne sera pas à Prague le 29. Les chevaux sont commandés, la famille royale plie bagage. Si les voyageurs obtiennent enfin la permission de prononcer à la hâte un compliment, on les écoute, avec crainte. On n'offre pas un verre d'eau à la petite troupe fidèle. On ne la prie pas à la table de l'orphelin qu'elle est venue chercher de si loin. Elle est réduite à boire dans un cabaret à la santé de Henri. On fuit devant une poignée de Vendéens comme on s'est dispersé devant une centaine de héros de Juillet. Et quel est le prétexte de ce sauve-qui-peut ? On va au-devant de Madame la Duchesse de Berry. On donne à la princesse un rendez-vous sur un grand chemin pour la montrer à la dérobée à sa fille et à son fils. N'est-elle pas bien coupable ? Elle s'obstine à réclamer pour Henri un titre vain. Pour se tirer de la position la plus simple, on étale aux yeux de l'Autriche et de la France, si toutefois la France aperçoit ses néantises, un spectacle qui rendait la légitimité, déjà trop ravalée, la désolation de ses amis et l'objet de la calomnie de ses ennemis. Madame la Dauphine sent les inconvénients de l'éducation de Henri V, et ses vertus s'en vont en larmes comme le ciel tombe la nuit en rosée. Le court instant d'audience qu'elle m'accorda ne lui permit pas de me parler de ma lettre de Paris du 30 juin. Elle avait l'air touchée en me regardant. Dans les rigueurs même de la Providence, un moyen de salut semblait se cacher. L'expatriation sépare l'orphelin de ce qui menaçait de le perdre aux Tuileries. À l'école de l'adversité, il aurait pu être élevé sous la direction de quelques hommes du nouvel ordre social, habiles à l'instruire de la royauté nouvelle. Au lieu de prendre ses maîtres du moment, loin d'améliorer l'éducation de Henri V, on la rend plus fatale pour l'intimité que produit la vie resserrée en famille. Dans les soirées d'hiver, des vieillards, tisonnant les siècles au coin du feu, enseignent à l'enfant des jours dont rien ne ramènera le soleil. Ils lui transforment les chroniques de Saint-Denis en contes de nourrice. Les deux premiers barons de l'âge moderne, la liberté et l'égalité, seraient bien forcés Henri sans terre à donner une grande charte. La Dauphine m'avait engagé à faire la course de Butchirade. Messieurs de Fougeret et Nugent me menèrent en ambassade chez Charles X le soir même de mon arrivée à Prague. À la tête de la députation des jeunes gens, ils allaient achever les négociations commencées au sujet de la présentation. Le premier impliqué dans mon procès devant la cour d'assises avait plaidé sa cause avec beaucoup d'esprit. Le second sortait de subir un emprisonnement de 8 mois pour délit de presse royaliste. L'auteur du génie du christianisme eut donc l'honneur de se rendre auprès du roi très chrétien, assis dans une calèche de place entre l'auteur de la mode et l'auteur du revenant. Prague, 30 septembre 1833. Butchirade est une villa du grand-duc de Toscane, environ 6 lieues de Prague, sur la route de Karlsbad. Les princes autrichiens ont leurs biens patrimoniaux dans leur pays et ne sont au-delà des Alpes que des possesseurs viagers. Ils tiennent l'Italie à ferme. On arrive à Butchirade par une triple allée de pommiers. La villa n'a aucune apparence, elle ressemble avec ses communs à une belle métairie et domine au milieu d'une plaine nue un hameau mélangé d'arbres verts et d'une tour. L'intérieur de l'habitation est un contresens italien, sous le 50e degré de latitude, de grands salons sans cheminées et sans poêles. Les appartements sont tristement enrichis de la dépouille de Holyrood. Le château de Jacques II, que remeubla Charles X, a fourni par déménagement à Butchirade les fauteuils et les tapis. Le roi avait la fièvre et était couché lorsque j'arrivais à Butchirade le 27 à 8 heures du soir. M. de Blacas me fit entrer dans la chambre de Charles X, comme je le disais à la duchesse de Berry. Une petite lampe brûlait sur la cheminée. Je n'entendais dans le silence des ténèbres que la respiration élevée du 35e successeur de Hugues Capet. « Oh, mon vieux roi, votre sommeil était pénible. » Le temps et l'adversité, lourd cauchemar, étaient assis sur votre poitrine. Un jeune homme s'approcherait du lit de sa jeune épouse avec moins d'amour que je ne me sentis de respect en marchant d'un pied furtif vers votre couche solitaire. Du moins, je n'étais pas un mauvais songe comme celui qui vous réveilla pour aller voir expirer votre fils. Je vous adressais intérieurement ces paroles que je n'aurais pu prononcer tout haut sans fondre en larmes. Le ciel vous garde de tout mal à venir. Dormez en paix ces nuits, avoisinant votre dernier sommeil. Assez longtemps, vos vigiles ont été celles de la douleur. Que ce lit d'exil perde sa dureté en attendant la visite de Dieu. Lui seul peut rendre légère à vos os la terre étrangère. Oui, J'aurais donné avec joie tout mon sang pour rendre la légitimité possible à la France. Je m'étais figuré qu'il en serait de la vieille royauté ainsi que de la verge desséchée d'Aaron. Enlevée du temple de Jérusalem, elle reverdit et porta les fleurs de l'amandier, symbole du renouvellement de l'Alliance. Je ne m'étudie point à étouffer mes regrets, à retenir les larmes dont je voudrais effacer la dernière trace des royales douleurs. Les mouvements que j'éprouve en sens divers au sujet des mêmes personnes témoignent de la sincérité avec laquelle ces mémoires sont écrits. Dans Charles X, l'homme m'attendrit, le monarque me blesse. Je me laisse aller à ces deux impressions à mesure qu'elles se succèdent sans chercher à les concilier. Le 28 septembre, après que Charles X m'eut reçu le matin au bord de son lit, Henri V me fit appeler. Je n'avais pas demandé à le voir. Je lui dis quelques mots graves sur sa majorité et sur ses loyaux français dont l'ardeur lui avait offert des éperons d'or. Au surplus, il est impossible d'être mieux traité que je ne le fus. Mon arrivée avait jeté l'alarme, on craignait le rendu compte de mon voyage à Paris. Pour moi donc, toutes les attentions. Le reste était négligé. Mes compagnons dispersés, mourant de faim et de soif, erraient dans les corridors, les escaliers, les cours du château, au milieu de l'effarade des maîtres du logis et des apprêts de leur évasion. On entendait des jurements et des éclats de rire. La garde autrichienne s'émerveillait de ces individus à moustaches et en habits bourgeois. Elle les soupçonnait d'être des soldats français déguisés, avisant à s'emparer de la Bohême par surprise. Durant cette tempête au dehors, Charles X me disait au dedans « Je suis occupé de corriger l'acte de mon gouvernement à Paris. Vous aurez pour collègue M. de Villèle, comme vous l'avez demandé, le marquis de la Tour Maubourg et le chancelier. » Je remerciai le roi de ses bontés en admirant les illusions de ce monde. Quand la société croule, quand les monarchies finissent, quand la face de la terre se renouvelle, Charles établit à Prague un gouvernement en France, de l'avis de son conseil entendu. Ne nous raillons pas trop. Qui de nous n'a sa chimère? Qui de nous ne donne la béquée à de naissantes espérances? Qui de nous n'a son gouvernement in petto de l'avis de ses passions entendues? La moquerie m'irait mal à moi, l'homme au songe. Ces mémoires que je barbouille en courant, ne sont-ils pas mon gouvernement, de l'avis de ma vanité entendue? Ne crois-je pas très sérieusement parler à l'avenir, aussi peu à ma disposition que la France aux ordres de Charles X? Le cardinal Latil, ne se voulant pas trouver dans la bagarre, était allé passer quelques jours chez le duc de Rohan. Monsieur de Foresta passait mystérieusement un portefeuille sous le bras. Madame de Bouillé me faisait des révérences profondes, comme une personne de parti, avec des yeux baissés qui voulaient voir à travers leurs paupières. Monsieur Lavillatte s'attendait à recevoir son congé. Il n'était plus question de Monsieur Barande, qui se flattait de rentrer en grâce et séjournait dans un coin à Prague. J'allais faire ma cour au dauphin. Notre conversation fut brève. Comment Monseigneur se trouve-t-il à Butscherrad? Vieillotant. Comme tout le monde, Monseigneur. Et votre femme? Monseigneur, elle a mal aux dents. Fluxion? Non, Monseigneur, tant. Vous dînez chez le roi, nous nous reverrons. Et nous nous quittâmes. Prague, 28 et 29 septembre 1833. Je me trouvai libre à 3 heures. On dînait à 6. Ne sachant que devenir, je me promenais dans les allées de pommiers dignes de la Normandie. La récolte du fruit de ces faux orangers s'élève dans les bonnes années à la somme de 18 000 francs. Les calvis s'exportent en Angleterre, on n'en fait point de cidre, le monopole de la bière en Bohême s'y oppose. Selon Tacite, les Germains avaient des mots pour signifier le printemps, l'été et l'hiver. Ils n'en avaient point pour exprimer l'automne, dont ils ignoraient le nom et les présents. Nomen ac bona ignorantur. Depuis le temps de Tacite, il leur est arrivé une pomone. Accablé de fatigue, je m'assis sur les échelons d'une échelle, appuyé contre le tronc d'un pommier. J'étais là dans l'œil de bœuf du château de Butscherrad, ou au balustre de la chambre du conseil. En regardant le toit qui couvrait la triple génération de mes rois, je me rappelais ces plaintes du Mahoual arabe. Ici, nous avons vu disparaître sous l'horizon les étoiles que nous aimons à voir se lever sous le ciel de notre patrie. Plein de ces tristes idées, je m'endormis. Une voix douce me réveilla. Une paysanne bohème venait cueillir des pommes. Avançant la poitrine et relevant la tête, elle me faisait une salutation slave avec un sourire de reine. Je pensais tomber de mon juchoir. Je lui dis en français « Vous êtes bien belle, je vous remercie ». Je vis à son air qu'elle m'avait compris. Les pommes sont toujours pour quelque chose dans mes rencontres avec les bohémiennes. Je descendis de mon échelle comme un de ces condamnés des temps féodaux délivrés par la présence d'une jeune femme. Pensant à la Normandie, à Dieppe, à Fervaques, à la mer, je repris le chemin du Trianon de la vieillesse de Charles X. On se mit à table, à savoir le prince et la princesse de Beaufremont, le duc et la duchesse de Narbonne, M. de Blacas, M. de Damas, M. Auguerty, moi, M. le Dauphin et Henri V. J'aurais mieux aimé y voir les jeunes gens que moi. Charles X ne dîna point. Il se soignait afin d'être en état de partir le lendemain. Le banquet fut bruyant grâce au parlage du jeune prince. Il ne cessa de discourir de sa promenade à cheval, de son cheval, des frasques de son cheval sur le gazon, des ébrouements de son cheval dans les terres labourées. Cette conversation était bien naturelle et j'en étais cependant affligé. J'aimais mieux notre ancien entretien sur les voyages et sur l'histoire. Le roi vint et causa avec moi. Il me complimenta de rechef sur la note de majorité. Elle lui plaisait parce que, laissant de côté les abdications comme chose consommée, elle n'exigeait d'autre signature que celle de Henri et ne ravivait aucune blessure. Selon Charles X, la déclaration serait envoyée de Vienne à M. Pastoret avant mon retour en France. Je m'inclinai avec un sourire d'incrédulité. Sa Majesté, après m'avoir frappé l'épaule selon sa coutume, « Chateaubriand, où allez-vous à présent ?»« Tout bêtement à Paris, sire. » « Non, non, pas bêtement, » reprit le roi, cherchant avec une sorte d'inquiétude le fond de ma pensée. On apporta les journaux, le dauphin s'empara des gazettes anglaises. Tout d'un coup, au milieu d'un profond silence, il traduisit à haute voix ce passage du Times. « Il y a ici le baron de, haut de 4 pieds, âgé de 75 ans, et tout aussi vert qu'il l'était il y a 50 ans. » Et puis, monseigneur se tut. Le roi se retira. Monsieur de Blacas me dit « Vous devriez venir à l'aubaine avec nous. » La proposition n'était pas sérieuse. Je n'avais d'ailleurs aucune envie d'assister à une scène de famille. Je ne voulais ni diviser des parents, ni me mêler de réconciliations dangereuses. Lorsque j'entrevis la chance de devenir le favori d'une des deux puissances, je frémis. La poste ne me semblait pas assez prompte pour m'éloigner de mes honneurs possibles. L'ombre de la fortune me fait trembler, comme l'ombre du cheval de Richard faisait trembler les Philistins. Le lendemain, 28, je m'enfermai à l'hôtel des Bains et j'écrivis ma dépêche à madame. Le soir même, Hyacinthe était partie avec cette dépêche. Le 29, j'allai voir le comte et la comtesse de Chautec. Je les trouvai confondus du brouhaha de la cour de Charles X. Le grand bourgrave envoyait à force des estafettes lever les consignes qui retenaient les jeunes gens aux frontières. Au surplus, ceux que l'on apercevait dans les rues de Prague n'avaient rien perdu de leur caractère français. Un légitimiste et un républicain, politique à part, sont les mêmes hommes. C'était un bruit, une moquerie, une gaieté. Les voyageurs venaient chez moi me conter leurs aventures. M. avait visité Francfort avec un cicérone allemand, très charmé des Français. M. lui en demanda la cause. Le cicérone lui répondit « Les Français venirent à Francfort. Ils puffaient le vin et faisaient l'amour avec les jolies femmes des bourgeois. Le général Anschrow, maître 41 millions de taxes sur la file des Francfort. » Voilà les raisons pour lesquelles on aimait tant les Français à Francfort. Un grand déjeuner fut servi dans mon auberge. Les riches payèrent l'écho des pauvres. Au bord de la Moldau, on but du vin de champagne à la santé de Henri V, qui courait les chemins avec son aïeul dans la peur d'entendre les toasts portés à sa couronne. À 8 heures, mes affaires fixées, je montai en voiture, espérant bien ne retourner en Bohême de ma vie. On a dit que Charles X avait eu l'intention de se retirer à l'hôtel. Il avait des antécédents de ce dessein dans sa famille. Richer, moine de Senones, et Geoffroy de Beaulieu, confesseur de Saint-Louis, rapporte que ce grand homme avait pensé à s'enfermer dans un cloître lorsque son fils serait en âge de le remplacer sur le trône. Christine de Pisan dit de Charles V, « Le sage roi avait délibéré en soi que, si tant pouvoir vivre que son fils le dauphin fût en âge de porter couronne, il lui délairoit le royaume, et se feroit prêtre. » De pareils princes, s'ils avaient abandonné le sceptre, auraient bien manqué comme tuteurs à leur fils. Et cependant, en restant rois, ont-ils rendu dignes d'eux, leurs successeurs ? Que fut Philippe le Hardi auprès de Saint-Louis ? Toute la sagesse de Charles V se transforma en folie dans son héritier. Je passe à 10 heures du soir devant Butchirade, dans la campagne muette, vivement éclairée de la lune. J'aperçois la masse confuse de la villa, du hameau et de la ruine qu'habite le dauphin. Le reste de la famille royale voyage. Un si profond isolement me saisit. Cet homme, je vous l'ai déjà dit, a des vertus. Modéré en politique, il nourrit peu de préjugés. Il n'a dans les veines qu'une goutte de sang de Saint-Louis, mais il l'a. Sa probité est sans égale, sa parole inviolable comme celle de Dieu. Naturellement courageux, sa piété filiale l'a perdue à Rambouillet. Brave et humain en Espagne, il a eu la gloire de rendre un royaume à son parent et n'a pu conserver le sien. Louis-Antoine, depuis les journées de juillet, a songé à demander un asile en Andalousie. Ferdinand le lui eut sans doute refusé. Le mari de la fille de Louis XVI languit dans un village de Bohême. Un chien, dont j'entends la voix, est la seule garde du prince. Cerbère aboie ainsi aux ombres dans les régions de la mort, du silence et de la nuit. Je n'ai jamais pu revoir dans ma longue vie mes foyers paternels. Je n'ai pu me fixer à Rome où je désirais tant mourir. Les 800 lieues que j'achève, y compris mon premier voyage en Bohême, m'auraient mené au plus beau site de la Grèce, de l'Italie et de l'Espagne. J'ai dévoré ce chemin et j'ai dépensé mes derniers jours pour revenir sur cette terre froide et grise. Qu'ai-je donc fait au ciel ? J'entrai dans Prague le 29 à 4 heures du soir. Je descendis à l'hôtel des Bains. Je ne vis point la jeune servante saxonne. Elle était retournée à Dresde, consolée par des chants d'Italie, les tableaux exilés de Raphaël. Du 29 septembre au 6 octobre 1833. À Schlau, à minuit, devant l'hôtel de la Poste, une voiture changeait de chevaux. Entendant parler français, j'avançai la tête hors de ma calèche et je dis « Messieurs, vous allez à Prague, vous n'y trouverez plus Charles X, il est parti avec Henri V. » Je me nommai « Comment parti ?» s'écrièrent ensemble plusieurs voix. « En avant, postillon, en avant !» Mes 8 compatriotes, arrêtés d'abord à Aigrat, avaient obtenu la permission de continuer leur route, mais à la garde d'un officier de police. Elle est curieuse, ma rencontre en 1833, d'un convoi de serviteurs du trône et de l'hôtel, dépêchés par la légitimité française sous l'escorte d'un sergent de ville. En 1822, j'avais vu passer à Vérone des cagés de carbonari, accompagnés de gendarmes. Que veulent donc les souverains ? Qui reconnaissent-ils pour amis ? Craignent-ils la trop grande foule de leurs partisans ? Au lieu d'être touchés de la fidélité, ils traitent les hommes dévoués à leur couronne comme des propagandistes et des révolutionnaires. Le maître de poste de Schlau venait d'inventer l'accordéon. Il m'en vendit un. Toute la nuit, je fis jouer le soufflet dont le son emportait pour moi le souvenir du monde. Carlsbad, je le traversai le 30 septembre, était désert, salle d'opéra après la pièce jouée. Je retrouvai à Aigrat le maltôtier qui me fit tomber de la lune où j'étais au mois de juin avec une dame de la campagne romaine. À Hollfeld, plus de martinets ni de petites hauteuses, j'en fus attristé. Telle est ma nature. J'idéalise les personnages réels et personnifie les songes, déplaçant la matière et l'intelligence. Une petite fille, un oiseau, grossissent aujourd'hui la foule des êtres de ma création, dont mon imagination est peuplée, comme ces éphémères qui se jouent dans un rayon de soleil. Pardonnez, je parle de moi, je m'en aperçois trop tard. Voici Bamberg. Padoue me fit souvenir de Tite-Live. À Bamberg, le père Orion retrouva la première partie du 3e et du 30e livre de l'historien romain. Tandis que je soupais dans la patrie de Joachim Camemarius, de Clavius, le bibliothécaire de la ville me vint saluer à propos de ma renommée la première du monde selon lui, ce qui réjouissait la moelle de mes os. Accourut ensuite un général bavarois. À la porte de l'auberge, la foule m'entoura lorsque je regagnai ma voiture. Une jeune femme était montée sur une borne, comme la Sainte Beuve, pour voir passer le duc de Guise. Elle riait. « Vous moquez-vous de moi ?» lui dis-je. « Non, » me répondit-elle en français, avec un accent allemand. « C'est que je suis si contente !» Du 1er au 4 octobre, je revis les lieux que j'avais vus 3 mois auparavant. Le 4, je touchais la frontière de France. La Saint-François met tous les ans un jour d'examen de conscience. Je tourne mes regards vers le passé, je me demande où j'étais, ce que je faisais à chaque anniversaire précédent. Cette année 1833, soumis à mes vagabondes destinées, la Saint-François me trouve errant. J'aperçois au bord du chemin une croix, elle s'élève dans un bouquet d'arbres qui laisse tomber en silence sur l'homme-Dieu crucifié quelques feuilles mortes. 27 ans en arrière, j'ai passé la Saint-François au pied du véritable Golgotha. Mon patron aussi visita le Saint-Tombeau. François d'Assise, fondateur des ordres mendiants, fit faire, en vertu de cette institution, un pas considérable à l'Évangile et qu'on n'a point assez remarqué. Il acheva d'introduire le peuple dans la religion. En revêtant le pauvre d'une robe de moine, il força le monde à la charité, il releva le mendiant aux yeux du riche, et dans une milice chrétienne prolétaire, il établit le modèle de cette fraternité des hommes que Jésus avait prêchée. Fraternité qui sera l'accomplissement de cette partie politique du christianisme non encore développée et sans laquelle il n'y aura jamais de liberté et de justice complète sur la terre. Mon patron étendait cette tendresse fraternelle aux animaux mêmes sur lesquels il paraîtrait avoir reconquis par son innocence l'empire que l'homme exerçait sur eux avant sa chute. Il leur parlait comme s'ils l'eussent entendu. Il leur donnait le nom de frères et de sœurs. Près de Baveno, comme il passait, une multitude d'oiseaux s'assemblèrent autour de lui. Il les salua et leur dit « Mes frères ailés, aimez et louez Dieu, car il vous a vêtus de plumes et vous a donné le pouvoir de voler dans le ciel. » Les oiseaux du lac de Rieti le suivaient. Il était dans la joie quand il rencontrait des troupeaux de moutons. Il en avait une grande compassion. « Mes frères, leur disait-il, venez à moi. » Il rachetait quelquefois, avec ses habits, une brebis que l'on conduisait au boucher. Il se souvenait de l'agneau très doux, Ilius memor acni mitissimi, immolé pour le salut des hommes. Une cigale habitait une branche de figuier près de sa porte à la Portiuncule. Il l'appelait, elle venait se reposer sur sa main et il lui disait « Ma sœur, la cigale, chante le Dieu, ton Créateur. » Il en usa de même avec un rossignol et fut vaincu au concert par l'oiseau qu'il bénit et qui s'envola après sa victoire. Il était obligé de faire reporter au loin dans les bois les petits animaux sauvages qui accouraient à lui et cherchaient un abri dans son sein. Quand il voulait prier le matin, il ordonnait le silence aux hirondelles et elles se taisaient. Un jeune homme allait vendre à Sienne des tourterelles. Le serviteur de Dieu le pria de les lui donner afin qu'on ne tuât pas des colombes qui, dans l'Écriture, sont le symbole de l'innocence et de la candeur. Le saint les emporta à son couvent de Ravacciano. Il planta son bâton à la porte du monastère. Le bâton se changea en un grand chêne vert. Le saint y laissa aller les tourterelles et leur commanda d'y bâtir leur nid, ce qu'elles firent pendant plusieurs années. François, mourant, voulut sortir du monde nu comme il y était entré. Il demanda que son corps dépouillé fût enterré dans le lieu où l'on exécutait les criminels, en imitation du Christ qu'il avait pris pour modèle. Il dicta un testament tout spirituel, car il n'avait à léguer à ses frères que la pauvreté et la paix. Une sainte femme le mit au tombeau. J'ai reçu de mon patron la pauvreté, l'amour des petits et des humbles, la compassion pour les animaux, mais mon bâton stérile ne se changera point en chêne vert pour les protéger. Je devais tenir à bonheur d'avoir foulé le sol de France le jour de ma fête. Mais ai-je une patrie? Dans cette patrie, ai-je jamais goûté un moment de repos? Le 6 octobre au matin, je rentrais dans mon infirmerie. Le coup de vent de la Saint-François régnait encore. Mes arbres, refuge naissant des misères recueillies par ma femme, ployait sous la colère de mon patron. Le soir, à travers les ormes branchues de mon boulevard, j'aperçus les réverbères agités dont la lumière, demi-éteinte, vacillait comme la petite lampe de ma vie. Fin de la section 19.